Voilà, Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Cette émission, qui était en nouvelle diffusion, vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur notre site radiofrance.fr, où comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons au 19e siècle en Angleterre, auprès d'une petite fille pleine d'imagination, Alice Liddell, et d'un professeur original, Charles Dodgson, bientôt plus connu sous le nom de Lewis Carroll, l'auteur d'un livre poétique et enchanteur d'un genre complètement inédit. Alice Liddell, la vraie Alice au pays des merveilles, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.